Victor Hugo P.O.S.S. Maintenant jeune encore, et souvent éprouvé, je viens planter mon décor, que mon talent soit prouvé. Et j'ai plus d'un souvenir profondément gravé. Je me dis que le meilleur est à venir pour nous, pas de SAV. Et l'on peut distinguer bien des choses passées. Avoir un destin, c'est ça, c'est de ressasser. Certes, plus d'un vieillard sans flamme et sans cheveux mettrait tous ces dollars sur cernant nos formes nerveux. Toujours plein de vicissitudes, tombé dans la lassitude, des galères en multitude et tant de pertes d'altitude. Au bout de ces vœux, qu'est-ce qui reste à un homme? Agir ou s'y noyer, morveux, je voulais déjà me faire un name. Pas lirait s'il voyait comme un gouffre dans l'ombre. L'arriéré, conseiller qui au lycée me promettait à l'ombre. Mon âme ou ma pensée habite comme un monde. On me fera plus chier la bite, plus personne m'intimide. Victor, Victor. Ce que j'ai souffert, ce que j'ai tenté. Bien souvent j'ai pas su faire, mais ça valait le coup de patienter. Ce qui m'a menti comme un fruit avorté. Au final je m'en suis sorti sans qu'on ait eu à m'escorter. Mon plus beau temps passé sans espoir qu'il renaisse. Ah j'ai tant rêvassé en m'inspirant de Nas. Les amours, les travaux, les deuils de ma jeunesse. Sœur, j'ai tellement ri jeune que j'en ai chopé la jaunisse. Et quoi qu'encore, à l'âge où l'avenir sourit, mes fardeaux je m'allège, j'ai mon vol comme un touriste, paré à tout risque, paré à tout trick, j'pris le livre de mon cœur à toute page écrit. Alors, vers Besançon, vieille ville espagnole, jeté comme la graine au gré de l'air qui vole, produit d'un sang pied noir et c'est quoi, à la fois je reste un gosse plein de douleur, mais plein de désir et de foi, je cours à la Vic, Toire, compo, arrêt, essaie, appelle-moi Vic, Thor, Hugo, B.O.S.S. Vic, Thor, Hugo, B.O.S.S. Dans mon secteur, j'ai pas de rivaux, je les fous tous en grossesse. Dans mon secteur j'ai pas de rivaux, j'ai copié OSS. Victor, Victor, Victor, Hugo P.O.S.S. Victor, Victor. Dans mon secteur j'ai pas de rivaux, j'ai copié OSS.